الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on termine aujourd'hui, inshallah ta'ala, le septième annulatif parmi les dix annulatifs de l'islam cité par Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdouhab rahimahullah ta'ala. Et on commence, et on va, inshallah, bien entamer le huitième, qu'on ne va pas terminer évidemment aujourd'hui. Wallahu alam. Donc, on termine ce septième annulatif, toujours sur le sihr, et puis on passe au suivant qu'on va citer au moment venu, inshallah. Donc, pour les frères qui ont le livre en arabe, on était page 162, au haut de la page, on est arrivé à la parole de Al-Qurtubi. Donc, il dit, Cheikh Mohammed bin Omar bin Salim Bazmoul, hafidahullah ta'ala, dans l'explication du septième annulatif, il dit, Al-Qurtubi, rahimahullah, wa haka Al-Qurtubi an wahbin, annahu qal yu'khadu sab'u warakatin min sidr, فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها أو يشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته. قلت أي شيخ محمد بزمول حفظه الله تعالى أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب ذلك وهما المعوذتان. وفي الحديث لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما، وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان. Donc on va déjà traduire cette première partie. Al-Qurtubi rahimahullah, il a rapporté d'après Wahb qu'il a dit, on prend sept feuilles de cidre qui sont concassées entre deux pierres, puis frappées avec de l'eau, et on lit sur elles Ayat al-Kursi. Donc Ayat al-Kursi, comment on traduit ça en général en français? Le verset du trône. C'est un point qu'on va faire ici, parce que c'est une traduction qui est erronée. Hein, on va expliquer pourquoi, Inch'Allah. C'est vrai qu'il est communément appelé verset du trône. Or, il s'avère après réflexion que cette traduction, elle est erronée. En voici l'explication. C'est que le Kursi, il ne peut pas être traduit par le trône. Hein, parce que le trône, c'est l'arche. Pour les raisons suivantes. Un, c'est que le Kursi n'est pas le trône, mais de plus, le trône est plus grand que le Kursi. Comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dans son explication de l'Wasitiyya, et il a rapporté comme preuve de cela le hadith d'Abu Dharr, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les sept cieux et les sept terres sont en comparaison avec le repose-pied et le Kursi. Et on va voir que la traduction que moi j'ai trouvée qui est le plus correcte, wallah alam, c'est le repose-pied. On va voir pourquoi, inshallah. Les sept cieux et les sept terres sont en comparaison avec Al-Kursi, le repose-pied, comme un anneau jeté dans une terre déserte, et la préséance du trône Al-Arsh sur le repose-pied qui est le Kursi, donc la préséance de l'Arsh sur Al-Kursi, est comme la préséance de cette terre déserte sur cet anneau. Et c'est rapporté par Ibn Abi Shayba dans son livre Al-Arsh, numéro 58, et le Bihaqi dal Asma wa Sifat, numéro 862, et le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha, et c'est le numéro 109. Deuxième point, c'est qu'Ibn Abbas, quand les agrés tous deux, a expliqué Al-Kursi comme étant Mawdi'u qadamayhi Allah ta'ala. Cet athar d'Ibn Abbas, il est rapporté par Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, dans le Sunnah, Ibn Abi Shayba dans l'Arsh, Ibn Khuzaymah dans le Tawhid, Al-Hakim dans le Musadrak. Je ne vous donne pas les références, mais elles seront dans le PDF, Inch'Allah, qui a dit authentique selon les conditions des deux chers, c'est-à-dire qui? Al-Bukhari et Muslim, qui ne l'ont pas rapporté, et Al-Dahabi fut d'accord avec lui. Et rapporté par Ad-Darqutni dans Sifat, et Cheikh Al-Albani a dit dans Mukhtasar Al-Ulu, page 45, sa chaîne de transmission est authentique, au numéro 45, sa chaîne de transmission est authentique et ses hommes sont tous dignes de confiance. Maintenant, sur le site d'Al-Ifta, le comité permanent pour la fatwa en Arabie Saoudite, on peut lire que tous les gens de science sont unanimes sur l'authenticité de cet atar, d'Ibn Abbas. D'accord ? Donc je vous ai mis le lien, vous pouvez aller voir aussi sur le site d'Al-Ifta. Et que c'est l'avis des gens de la sunna du consensus, al-sunna wal-jama'a. Et que cela a été affirmé de manière catégorique par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et son illustre élève, Ibn Qayyim, rahimahullah, et d'autres parmi les gens de science et parmi les gens dotés de précision. Donc, l'Atar d'Ibn Abbas, je le répète, c'est quoi qu'il a dit? Qu'il expliquait quoi comme étant quoi? Qu'il expliquait al-Kursi comme étant mawdi'u qadamayillahi ta'ala. D'où la traduction de quoi? De repose-pied. Si un frère il a une meilleure traduction, qu'il m'en fasse part. Hein? Moi, j'ai trouvé que ça. Et encore une fois, il y a Ikhwa, les traductions, c'est dangereux. Surtout dans ce qui touche sur l'asma ou sifat. Ce n'est que pour rapprocher le sens. Et il faut donc, encore une fois, apprendre la langue arabe. Je vous rappelle la parole d'Omar ibn Khattab, radiallahu anhu wa arda. Alaykum bil arabiyyati fa innaha min dinikum. Apprenez. Alaykum, une notion d'obligation ici. Alaykum bil arabiyya. Apprenez la langue arabe. Car elle fait partie de votre religion. Et Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, il prouve l'obligation d'apprendre la langue arabe par une règle qui est dans le Qa'il Fiqhiyya qui dit: Ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajibun, wa ma la yatimu al-masnunu bihi illa bihi. Voilà, c'est ça la règle. La première partie, il l'utilise pour dire que ce sans quoi tu ne peux t'acquitter d'une obligation est une obligation. C'est-à-dire que si tu as besoin d'un moyen pour t'acquitter d'une obligation, eh bien par cela, ce moyen devient aussi quoi? Obligatoire. Qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à la langue arabe? Que quoi? Que eh bien, tu dois apprendre ta religion. Hein? C'est obligatoire. Et que sans la langue arabe, tu ne peux pas y arriver. Donc, il convient qu'il est obligatoire d'apprendre la langue arabe. Donc l'importance, la langue arabe. Inch'Allah, j'ai eu une petite discussion avec Abou Khadija hier au niveau des cours d'arabe, comme je vous avais promis. Inch'Allah, c'est peut-être petit à petit en train d'être organisé pour les frères, parce qu'il y a déjà pour les sœurs, hein, mais c'est petit à petit organisé pour les frères. Et je demande aux frères qui sont aptes à enseigner qu'ils viennent me voir après le cours, Inch'Allah. Parce qu'on veut faire plusieurs niveaux, Inch'Allah, d'accord. Donc c'était pour quoi? Pour la langue arabe, d'accord. Donc vous voyez encore une fois que les traductions, elles peuvent être erronées des fois, elles peuvent être ambiguës, elles peuvent être correctes, etc. Mais ça reste une traduction, ça reste la compréhension d'un traducteur, ça reste aussi limité à la langue française par rapport à la langue arabe, tout simplement, d'accord. Donc l'importance est l'asl, et c'est ça qu'on appelle, on dit toujours que nous on n'appelle pas à prendre l'ilm de nous, on appelle à prendre l'ilm des ulama, pour ceux qui ont la langue arabe qui prennent directement des ulama, alhamdulillah. Et si vous n'avez pas la langue arabe, c'est d'apprendre la langue arabe. Et en attendant, de prendre des frères traducteurs de confiance qui traduisent les paroles des ulama. Voilà. Mais c'est qu'une béquille, comme dit Hassan Abou Asma toujours, c'est qu'une béquille en attendant de pouvoir marcher. Mais il faut apprendre à marcher. Hein? D'accord? Donc ça, c'était un point par rapport à quoi? À Ayat al-Kursi. Donc je répète cette phrase de l'imam Qurtubi qui rapporte de Wahab, que ce soit clair. On a déjà fait le point maintenant par rapport à Ayat al-Kursi et sa traduction. Il dit, le Qurtubi, qu'il a rapporté d'après Wahab, qu'il a dit: on prend cette feuille de cidre qui sont concassés entre deux pierres, puis frappés avec de l'eau, et on lit sur elle Ayat al-Kursi, et celui qui a subi le sihr en boit trois gorgées. Puis cela avec le reste, car cela dissipe ce qu'il a. Et c'est bon pour l'homme qui subit une distanciation par rapport à sa femme. D'accord? Je dis, c'est-à-dire qui, cher Mohamed Bazmoul, hafidahullah ta'ala, ce qui est le plus bénéfique afin de faire disparaître le sihr, c'est ce qu'Allah a fait descendre à son messager sallallahu alayhi wa sallam afin de faire disparaître cela. Et ce sont al-mu'awwidhatan. Hein, c'est un mutanna dans la langue arabe, c'est un duel. D'accord? C'est-à-dire quoi? Les deux mu'awwidhat, c'est quelle surat? Surat al-Falaq et surat al-Nas. Pourquoi on les appelle mu'awwidhatan? Non, c'est ça. D'accord? Il était rapporté dans le hadith: ceux qui cherchent protection auprès d'Allah n'ont pas cherché protection auprès d'Allah avec quelque chose de semblable à ces deux, c'est-à-dire al-mu'awwidhatan. D'accord? Puis Cheikh il dit, ainsi que la récitation de Ayat al-Kursi, car il, c'est-à-dire le verset, chasse Satan. On continue maintenant. وقال أبو عبد الله القرطبي وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفاريين من الشافعية حيث قالوا إنه تمويه والتخيل وقال ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة والشعوذي البريد لخفة سيره قال ابن فارس رحمه الله ابن فارس c'est un savant de quoi parmi les savants de la langue arabe ابن فارس il a dit هذه الكلمة من كلام أهل البادية قال القرطبي رحمه الله ومنهم يكون كلاما يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى وقد يكون من عهود الشياطين ويكون أو أدوية وأدخنة وغير ذلك. Donc ici, Abu Abdillah al-Qurtubi, rahimahullah, il a dit, et pour nous, le sihr est une vérité. C'est-à-dire que, et a une réalité. C'est un haqq. Et que c'est aussi, ça a une haqiqa. Cheikh Bazmoul, il va faire référence à ça plus tard, inshallah. Et pour nous, le sihr est une vérité et a une réalité. Et Allah, il crée ce qu'il veut, contrairement à ce que croit le Mu'tazila. Et Abu Ishaq al-Isfarini, parmi les Shafi'iyya, qui ont dit, Shafi'iyya, c'est quoi? C'est ceux qui se revendiquent du madhab de l'imam. Les Shafi'i, qui ont dit c'est une feinte et une imagination, c'est un tachayyul. D'accord? Il y a un témoin. Et il dit, il fait partie du sihr, ce qui relève la rapidité de la main, comme Sha'wada. Sha'wada, on avait déjà traduit ça par quoi? Les tours de passe-passe. D'accord? Et Sha'wadi, c'est le barid. C'est quoi le barid? On peut traduire par courrier ou message. Pourquoi il a été appelé de cette manière? Eh bien, en raison de la rapidité de son avancement. D'accord? Ibn Faris, comme je dis, c'est un savant parmi les savants de la langue arabe, il a dit, rahimahullah ta'ala, et fait partie de cela ce qui est mémorisé comme parole et ruqa. Ruqa, c'est quoi ruqa? C'est le pluriel de. Hein, dites-le. Ruqya, hein? Parmi les noms d'Allah le Très-Haut, il se peut que cela fasse partie des promesses des démons et que cela soit des remèdes et des fumées et autres, etc. Et il dit, toujours qui, l'imam Qurtubi rahimahullah, et sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان إلى سحرة يحتمل أن يكون مدحا كما تقول طائفة ويحتمل أن يكون ذما للبلاغة قال وهذا الأصح قال لأنها تصوب الباطل حين يوهم السامع أنه حق كما قال فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له الحديث انتهى كلامه رحمه الله. Et le hadith ici qu'il a cité, c'est un hadith qui est muttafaqun alayh, comme on va le voir dans un instant, inshallah. Et sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, on a déjà vu dans le cours précédent, il y a certes dans l'éloquence une magie. Il se peut que cela soit un éloge, comme l'a dit un groupe de gens de science, et il se peut que cela soit un blâme de l'éloquence. D'accord? Il dit, et cela est le plus correct. Et je vous avais rapporté une parole de Cheikh Al-Fawzan qui dit que, par rapport à ce hadith, il dit que, il avait donné deux situations, vous vous rappelez ou pas? Il avait dit que quand c'est utilisé pour le haq, c'est un bien, et quand c'est utilisé l'éloquence pour le faux, eh bien à ce moment-là, c'est un mal. D'accord? Il dit, car cela fait passer le faux, c'est sur la parole du même Qurtubi, rahimahullah, il dit, car cela fait passer le faux pour la vérité lorsqu'il fait penser à l'auditeur que c'est une vérité, comme lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il se peut, c'est un hadith qui est muttafaq alayh, comme on va voir dans un instant, inshallah, il se peut que l'un d'entre vous soit plus éloquent dans son argumentation qu'un autre et que donc je juge en sa faveur. D'accord? Jusqu'à la fin du hadith. Par rapport au hadith, il est rapporté par le Bukhari, numéro 2680, et Muslim, numéro 1713. Donc ce qu'on appelle un hadith qui est quoi? Muttafaqun alayh. Et sa formulation, lafdhuhu, d'après le hadith de Salama, car elle agrée que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il se peut que l'un d'entre vous soit plus éloquent dans son argumentation qu'un autre, et que donc je juge en sa faveur. Donc celui pour lequel j'ai jugé quelque chose avec un droit de son frère, en raison de sa parole, je ne lui coupe qu'un morceau de l'enfer qu'il ne le prenne donc pas. Le hadith en arabe, il dit, عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحنوا بحجتي من بعض. D'accord? فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقولي فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. Fin de citation de l'imam al-Qurtubi rahimahullah. Cheikh Bazmoul continue حفظه الله en disant المقصود أن السحر الذي فيه شرك وكفر كالطلسمات أو التعازيم أو الاستعاذات الشركية بغير الله سبحانه وتعالى هو الناقض السابع من نواقض الإسلام. وقد ذكر بعض العلماء أن مردة الجن قد يطلبون من الساحر أن يجد لهم أو أن يدخل بالمصحف إلى الحمام أو وأن يضع المصحف تحت الكرسي في بيت الخلاء والعذ بالله. Et on a des témoignages qui ont été rapportés, des choses, des histoires vraies qui rapportent cela. أو أن يقرب النجاسات فهذا السحر من فعله خرج من الملة والدين. Et ce qui est entendu, Cheikh Mohamed Bazoum, hafidhahullah ta'ala, il dit, c'est que le sihr qui comporte de l'association et de la mécréance, comme les talismans et les incantations et les demandes de protection à autre qu'Allah, qui sont de l'association, est le septième annulatif parmi les annulatifs de l'islam. C'est-à-dire parmi les dix qu'on est en train de voir dans ces cours, qu'a cité Cheikh l'islam Mohamed ibn Abdelhab, rahimahullah ta'ala. Et certains savants ont dit que les maladas parmi les djinns, les insolents parmi les djinns, peuvent demander du magicien qu'il se prosterne pour eux ou qu'il entre avec son mushaf dans les toilettes, c'est-à-dire quoi, des a'mal qui sont quoi, hein, kufriya, ou qu'il place le mushaf en dessous du cabinet dans les toilettes, hein, ou qu'il donne des impuretés en offrande, et donc c'est le sihr au sujet duquel celui qui le commet sort de la religion, qu'Allah nous en préserve. Et maintenant on avait promis qu'on allait expliquer c'était quoi as-sarf et العطف. Pourquoi? Parce que dans le maître, qu'est-ce qu'il a dit? وَمِنْهُ الصَّرْف وَالْعَطْف. C'est quoi الصَّرْف et c'est quoi العطف? D'accord? Eh bien, وَقَوْلُهُ مِنْهُ الصَّرْف وَالْعَطْف الصَّرْفُ الصَّرْفُ الرَّجُلِ عَنْ زَوْجَتِهِ وَعَنْ زَوْجِهِ حَتَّى يَكْرَهَهَا وَيَنْفِرَ عَنْهَا مِنْهَا وَالْعَطْفُ تَحْبِيبُ الزَّوْجَةِ إِلَى زَوْجِهَا حَتَّى يَمِيلَ إِلَيْهَا وَيَطْلُبَ رِضَاهَا. والله عز وجل ذكر هذا النوع من السحر في القرآن الكريم فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يتعلمون منهما من السحر ما يفرقون بين المرء وزوجه وهذا هو السحر أو السحر سحر كما الصرف والسحر العطف يتعلمون من السحر ما يجعل الرجل يحب أهله ويميل إليهم ويطلب رضاهم وهذا السحر إما بالرجوع بمردة الجن أو بمخاطبة الكواكب والعلوية والأفلاك واعتقاد أنها مؤثرة في الكون أو بذكر تعويذات وطلاسم يذكرونها وعندهم ما يسمى بالأوثاق والنيرنجات يستعملونها وقد ذكر ذلك الغزالي والقرافي في كتابه الفاروق أو الفروق عفوا الفروق. وللسحر حقيقة بمعنى أن له تأثيرا وله وجودا ولا يستطيع الساحر أن يحول الفحم إلى ذهب أو الرماد إلى لؤلؤ غايته أن يخيل للناس كما قال تعالى قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقال تعالى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها on l'avait déjà vu dans le verse précédent qu'est-ce que ça voulait dire aussi أنها تسعى. Et avec cela on aura fini le septième annulatif inshallah. On traduit déjà cette dernière partie. On avait dit qu'on allait définir as-sarf wa al-atf. Et sa parole, c'est la parole de qui? De l'auteur, Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdelhab, rahimahullah ta'ala. Elle dit, et fait partie de cela, c'est-à-dire quoi? Du sihr, as-sarf et al-atf. As-sarf, c'est d'éloigner, d'écarter, et c'est de retenir la définition, même en arabe si possible. C'est as-sarf al-zawj an, ou as-sarf al-rajul an, zawjihi. D'accord? C'est d'éloigner, d'écarter l'homme de son épouse jusqu'à ce qu'il la déteste et qu'il soit dégoûté d'elle. D'accord? Et l'atf, c'est le contraire, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire aimer l'épouse à l'épouse jusqu'à ce qu'il ait un penchant envers elle et cherche sa satisfaction. D'accord? Ou son agrément, si vous voulez. Et Allah le Très-Haut a cité ce genre de sihr dans le Coran, dans le verset dont la traduction du sens est, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleyman. Alors que Suleyman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges. Qui? Harut et Marut à Babylone, mais ceux-ci n'enseignent rien à personne sans qu'ils n'aient dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès de ceux qui sèment la désunion entre l'homme et son épouse, or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah, et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà, certes quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme, leurs âmes, si seulement ils savaient. Sourate al-Baqarah, verset 102. Et donc Allah le Très-Haut a dit qu'ils apprennent deux, hein, par rapport à Harut et Marut, en termes de sihr, ceux qui sèment quoi ? Ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi. Ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse, et c'est le sihr. Maintenant, vous pouvez répondre, c'est quel sihr? As-sarf. Hein? As-sarf. Quant au sihr d'al-atf, c'est quoi? Ils apprennent en termes de sihr ce qui fait que l'homme aime sa femme, et penche vers elle, et cherche sa satisfaction. Et ce sihr est soit en revenant au marada parmi les djinns, ou en s'adressant aux planètes supérieures et aux astres, en croyant qu'ils influencent le monde, ou en disant des adjurations et des talismans qu'ils disent. Et ils ont ce qu'ils appellent l'awfaq ou al-nirinjat qu'ils utilisent. Et le Ghazali a rapporté cela ainsi que le Qirafi dans son livre Al-Furuq. Et le sihr a une réalité, d'accord, et ça on avait déjà dit, et j'avais dit que Cheikh Bazmoul allait revenir là-dessus, il va expliquer ce que ça veut dire. Et le sihr a une réalité dans le sens où il a un effet et une existence. Il a un effet et une existence. Lahu ta'thir wa wujud. Et le magicien n'est pas capable de transformer le charbon en or ou les cendres en perles. Le maximum qu'il soit capable de faire est de faire paraître aux gens. D'accord ? Comme cela, comme Allah le Très-Haut l'a dit, selon la traduction du sens est, puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent et vinrent avec une puissante magie. Surat al-A'raf, verset 116. Et Allah le Très-Haut dit, c'est un autre verset dans la traduction du sens est, surat Taha, verset 66, il dit, jetez plutôt. Et voilà que leur corps de leur bâton lui parurent ramper par l'effet de leur magie. Yukhayyalu ilay. Vous voyez, par rapport au tekhayyul qu'on a dit tout à l'heure, hein, que c'est quoi que ça paraît tel quel. On commence le huitième annulatif maintenant, restez concentrés, Inch'Allah, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est un annulatif de l'islam. Hein, qu'Allah nous en préserve. Donc on avait dit au tout début, revenez pour les frères qui n'étaient pas là, on a les PDF, on a les notes, on a les audios, à l'introduction qu'on a fait, notamment par rapport aux 15 règles dans le tekfir, et par rapport à la définition des nawaqid, de la différence entre nawaqid et nawaqis, et d'où vient le mot naqid, du verbe naqada, et qu'est-ce que ça veut dire, et pourquoi Cheikh Mahalou al-Habib l'a dit, rahimahullah, il n'en a cité que 10, etc., etc. Donc on ne va pas tout répéter, mais une des fawaïdes d'étudier ces nawaqid-là, d'accord, c'est de ne pas y tomber, déjà d'un, de s'en écarter, d'accord. Aussi par rapport à ce naqid-là, c'est que les khawaj et tekfiriyoun, ils ont beaucoup de choubouhats par rapport à ce naqid-là. Donc Salafi, il doit maîtriser le sujet afin qu'il soit à même de se préserver ces choubouhats-là et éventuellement de les réfuter. D'accord ? Un naqid thamin, mudaharat al-mushrikin wa mu'awanatum ala al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullah, je ne sais pas si quelqu'un veut le réciter par cœur, le huitième en tout cas. Hein, il faut toujours qu'il y en ait un qui se lance avant que les autres se lancent. C'est toujours le premier qui... Hein? Et ouais les frères, vous devez être un peu plus habitués maintenant. Personne, je la fais la désignation. Hein? Un bromé ça. Et ouais. Huitième, tfadal. Faut revoir. Hein? Faut revoir. Quelqu'un le connaît? Personne? الثامن مظاهرة المشركين ومعاناتهم على المشرك المسلمين ودليل قول تعالى ومن يتولى منهم ومن يتولى منهم فهو منهم منكم فهو منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أحسن جزاك الله خيرا. Donc le huitième annulatif, soutenir, on n'a pas dit en arabe, non? Mais je l'ai pas dit moi. قال المصنف رحمه الله الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة. الويتم التي في سيكوا maintenant on va donner le titre, après évidemment il y a toute une explication en plusieurs cours qui va arriver inshallah, mais le titre c'est quoi? C'est soutenir les associateurs et les aider contre les musulmans. Alors déjà rien qu'avec le titre, vous pouvez imaginer, et vous connaissez sur, hein, beaucoup de choubouettes que les tekfirion et autres groupes, ils ont par rapport à cette mes'ala-là. D'accord ? Donc il convient de connaître le mu'taqad sahih, qu'est-ce qui est correct pour al-sunnah al-jama'a al-salifiyun al-haq. Et d'accord ? Et de connaître les égarements des gens aussi. Pourquoi? Pour pouvoir s'en écarter et pour savoir que c'est un égarement et pouvoir mettre en garde contre cela et réfuter ces ambiguïtés-là. Donc, l'auteur qui est Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdouhab, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, le huitième, c'est-à-dire parmi les 10 annulatifs de l'islam qu'on avance, et l'intérêt de suivre les cours et de rester constant, inshallah, parce que matière après matière, à un point par point, page après page, mes'ala après mes'ala, livre après livre, c'est comme ça, inshallah, qu'on acquiert la science. D'accord? Donc, le huitième, soutenir les associateurs et les aider contre les musulmans. Et j'ai dit qu'on allait voir en détail, inshallah, qu'est-ce que ça veut dire. Et la preuve de cela est la parole d'Allah dont la traduction du sens est, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Les gens injustes. Soit le Maïda verset 51. Maintenant, on a l'explication évidemment de Cheikh Mohammed bin Omar bin Salim Bazmoul, hafidah Allah ta'ala. الناقد الثامن نواقد الإسلام هو الذي يعرف بمسألة موالاة الكفار ومعلوم أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وبعبارة أخرى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وموالاة المسلمين ومعادة المشركين. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici le Cheikh Mohammed Bazmoul Hafidallah? Le huitième annulatif parmi les annulatifs de l'islam est celui qui est connu comme étant l'affaire de Mualat le Kuffar. Alors ici, je ne l'ai pas traduit ici parce qu'on va le traduire plus loin en détail, Inch'Allah. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire en détail, Al-Mualat. Et d'où ça vient le mot Al-Mualat. D'accord? Mualat al-Kuffar. Essayez de retenir le mot Mualat. Il y a plusieurs thèmes qui se ressemblent. Et dans un des cours, Inch'Allah, rappelez-le moi, on va essayer de les définir tous. D'accord? Et il est connu que l'islam est, alors pour les frères qui ont l'habitude de lire Rasul Talata en français, ils vont m'aider pour la traduction, hein, parce que je n'ai pas trouvé de mot pour différencier entre l'islam et l'inqiyad. Comment ils traduisent ça, l'islam, la soumission, on est d'accord? Et l'inqiyad, soumission aussi. Moi j'ai trouvé le même mot pour les deux, mais comment ils font dans Rasul Talata en français? Pardon? La servitude. La servitude? Par l'obéissance, c'est ça qu'ils disent? Non? Ouais? Non? Personne confirme? Vous verrez dans la traduction de l'Usul Talata. Moi j'ai traduit les deux par soumission. C'est la soumission, on a dit quoi? Il est connu que l'islam c'est la soumission à Allah par l'unicité et la soumission à Allah par l'obéissance. D'accord? Et se désavouer de l'association à Allah et de ses gens. Et Cheikh Ali dit d'une autre manière, c'est la soumission à Allah par l'unicité et la soumission à Allah par l'obéissance et al-mu'alat envers les musulmans et l'inimitié. Il a dit quoi le mot ici? Regardez le mot mu'alat, regardez qu'est-ce qui le suit. Wamu mu'adat. D'accord? Mu'alat et mu'adat. Retenez ces deux mots-là, inshallah. Donc, mu'alat envers les musulmans et le mu'adat. C'est quoi le mu'adat? C'est l'inimitié et l'aversion envers les associateurs, les mushrikoun. Cheikh il dit, فالتحقيق البعدي من هذا الناقد أصل من أصول الإسلام. فمن أصول الإسلام البراءة من الكفر والكافرين ومن الشرك والمشركين وعليه فإن مظاهرة الكفار مما يخالف أصول الإسلام ولذا كانت ناقضا من نواقض الإسلام. Il dit donc la concrétisation du fait de s'écarter de cet annulatif est un fondement parmi les fondements de l'islam, car fait partie de l'islam de se désavouer de quoi? De la mécréance et des mécréants, ainsi que de l'association et des associateurs. Et donc en se basant sur cela, le fait de soutenir et d'aider les mécréants fait partie de ce qui s'oppose au fondement de l'islam. Et c'est pour cela que c'est l'un des annulatifs de l'islam. Maintenant, il convient que ce soit fait avec les dawabit, les règles d'Ahl Sunnah wal Jama'ah. Parce que ça peut être fait avec un quoi? Un laxisme et ça peut être fait avec un extrémisme. Or la Sunnah est toujours entre les deux et c'est ce qui conforme au dalil. Donc l'importance, encore une fois, pour un salafi, pour un sunni, un athari, qu'il mettrait ce point-là, afin qu'il soit sur le juste milieu, qu'il soit dans l'application correcte de cette mes'alafi. D'accord? Donc le cheikh, il dit... Et je répète cette phrase, donc la concrétisation du fait de s'écarter de cet annulatif est un fondement parmi les fondements de l'islam. Car fait partie de l'islam de se désavouer de la mécréance et des mécréants, ainsi que de l'association et des associateurs. Et donc en se basant sur cela, le fait de soutenir et d'aider les mécréants fait partie de ce qui s'oppose au fondement de l'islam. Et c'est pour cela que c'est l'un des annulatifs de l'islam. D'accord ? Et la question est, regardez la bonne question que pose le cheikh ici. Maintenant, je suis sûr que vous posez la question d'ailleurs. C'est quoi la question ? Ben, c'est quoi le mu'alat ? C'est quoi le sens de mu'alat ? Et le cheikh il dit, وَالسُّؤَالْ مَا مَعْنَا الْمُوَالَاتِ. D'ailleurs, ça fait partie du bon enseignement des ulama, des gens de science, de poser des questions et de donner les réponses. Et ils ont des dalils qui sont nombreux. Parmi eux, qui s'est donné un dalil que ça fait partie du bon enseignement, le fait de poser des questions ? Non ? Non, un autre hadith. J'ai pas entendu ce mot. Je t'ai pas entendu. C'est peut-être juste, j'ai pas entendu. Ya Mu'ad, atadri ma haqqul ala al-ibad. Il y a beaucoup d'exemples, comme l'exemple que tu as cité très justement aussi. D'accord ? Le fait de pourquoi de poser des questions et de répondre. D'accord ? Bien sûr. Wa su'al ma ma'na al-mu'alat. Quel est le sens de al-mu'alat ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le cheikh dit le mu'alat asluha fil lughati min al-wala. Wa ma'nahu al-hubb wa al-nusrah. Taqulu ana wali fulan. يعني أحبه وأنصره وأنصره وتقول فلان ولي لفلان يعني يحبه وينصره وعكس الموالاة البراءة والعداوة والكره والبغضاء. D'accord ? Donc il y a un opposé par rapport à ça aussi, c'est ce qu'il a cité ici. Donc quel est le sens de الموالاة ? La base du mot الموالاة dans l'arabe vient de الولاء. Et son sens est l'amour et le secours, l'aide, l'assistance, si vous voulez, nusra. Tu dis, je suis le wali de un tel, c'est-à-dire je l'aime et je lui porte secours. Et tu dis, un tel est le wali d'un tel, c'est-à-dire qu'il l'aime et lui porte secours. Et le contraire d'al-mu'alat, c'est le désaveu, al-bara, retenez ces termes, le désaveu, le bara, et l'inimitié, et l'aversion, qu'en arabe, al-mu'adat, ou bien al-adawa, si vous voulez. Et l'exécration, elle courra. Et la haine, elle barda. Et puis le cheikh, il dit, donnez-moi des signes de vie de temps en temps, les frères, vous avez l'air un peu fatigués aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Ça va ? Alhamdulillah. قال تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Je vous rapporte un petit faïda en plus de Charles Al-Athimin qui rapporte par ce verset-là, Inch'Allah. Wal muslim yuwali al muslimin wa yadi al kafirin wa Allah waliyu al mu'minin wa al kafirun la mawla lahum. Qala Allah tabaraka wa ta'ala dhalika bi anna Allah mawla alladhina amanu wa anna al kafirin la mawla lahum. Wa qala ta'ala inna awla al nasi bi Ibrahim lalladhina attaba'u huwada al nabi walladhina amanu wa Allah waliyu al mu'minin. والكافرون بعضهم أولياء بعض ووليهم الطاغوت. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Donc Cheikh Mohamed Bazmoul, qu'est-ce qu'il dit ici, حفظه الله تعالى, il dit Allah le Très-Haut dit, c'est dans la traduction du sens est, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Alors ici, Charles Al-Athaymin, dans Charles Hariyat Salihin, si je me souviens bien, il rapporte une faïda par rapport à ça. Regardez le verset. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِذْفَعْ بِالَّتِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Cheikh Al-Uthaymin, il a dit, rahimahullah, qu'ici, c'est comment tu te comportes envers quelqu'un qui t'aime pas. Et quelqu'un qui se comporte mal envers toi. Eh bien, il fait billati ahsan. C'est que malgré ça, tu continues à bien te comporter avec lui. Et c'est quoi le résultat de ça, Cheikh Al-Uthaymin, il dit, ka'annahu waliyun hamim. Il a dit, c'est-à-dire qu'il devient comme un wali pour toi. Et quelqu'un qui, un mahboub, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un que. Il a dit, Cheikh Al-Azim, il a dit, qui a dit ça? Il a dit, c'est celui qui détient les cœurs de l'ibad entre deux de ses doigts, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et peut-être que vous avez déjà vécu ça, et on a déjà vécu ça, que des fois tu as une inimitié avec quelqu'un, et malgré ça tu continues à bien te comporter avec la personne, et qu'est-ce que ça fait avec après un certain temps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que le cœur de cette personne change envers toi, et qu'elle devient à ce moment-là quelqu'un de proche de toi qui t'aime. Regardez, subhanallah, التوجيه hein, القرآن التوجيه الإلهي. Regardez comment doit se comporter et comment notre religion est complète, subhanallah al-Azim. D'accord, c'est une petite faïda que je voulais rapporter en plus. Si vous voulez plus précisément, exactement l'offre de Cheikh Al-Uthaymeen, revenez à l'explication de Riyad Salihin de Cheikh Mohamed ibn Salih Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. On a dit ici après, c'est le verset de Sourate Fussilat, verset 34. Et le musulman aime les musulmans et déteste les mécréants. Et Allah est le protecteur des croyants. Hein, tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. Alors là, le préjudice, c'est dans la traduction du sens est, c'est qu'Allah est vraiment le protecteur de ceux qui ont cru, tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. Sourate Mohammed, verset 11. Et alors là, le préjudice, c'est dans la traduction du sens est, certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi. Ainsi que ce prophète-ci et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants. Surat Ali Imran, verset 68. Et les mécréants sont des alliés les uns des autres, et leur allié est le tarout. Alors le Tréhoudi, dont la traduction du sens est, Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Subhanallah, ça me rappelle un verset du Coran qui dit « Inna Allah yudafi'u anil ladhina » Amen. Certes, Allah défend ceux qui croient. C'est-à-dire que la défense, imagine-toi Allah qui te défend. Hein? C'est-à-dire ta défense, la défense qu'Allah, que tu vas obtenir d'Allah, elle sera en fonction de quoi? De ta, hein? De ta foi. Donc on a dit ici, Allah, le défenseur de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseur des taroutes qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu où ils demeureront éternellement. Surat al-Baqarah, verset 255. Il cite tous des versets qui illustrent ça. Il dit, Amal le Tréhoudi, c'est dans la traduction du sens est, ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Les injustes sont vraiment les alliés les uns des autres, tandis qu'Allah est le protecteur des pieux. Waliyul Muttaqin. Surat al-Jathiya, verset 19. La deuxième question, encore le bon enseignement de Cheikh Mohamed Bazmoul, c'est quoi la première question? Pour faire participer un peu, hein? Que vous restiez avec moi, Inch'Allah. Hein? C'est quoi la première question? Quel est le sens de al-Mu'alat? La deuxième question, soit le Thani, hal ayyu hubbin. Maintenant, la définissez quoi al-Mu'alat? Vous pouvez dire que c'est le hub wa al-Nusra, hein? Al-Hub wa-Nusra. Mais regardez la question qui suit. Il dit هل أي حب وأي نصرة تكون لكافر هي من الكفر المخرج من الملة. D'accord. Maintenant qu'on sait ce que le mu'alat, que c'est le hub wa-Nusra, que c'est l'amour et le secours porté. Bien, le Cheikh, il dit, il pose cette question qui est la deuxième. Est-ce que tout amour ou toute aide pour un mécréant relève de la mécréance qui fait sortir de la religion? Maintenant, comme on dit en arabe, c'est هذا سؤال جدير بالإجابة. C'est-à-dire que c'est une question à laquelle il convient de répondre et qui mérite réponse. Donc Bachir il répond, il dit Nous avons فمثلا نجد آية في القرآن الكريم تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسلم بعض الكفار إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسير الآية يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء أن يهديه من خلقه بتوفيقه للإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولو قيل معناه إنك لا تهدي من أحببت لقرابته منك ولكن الله يهدي من يشاء كان مذهبا وهو أعلم بالمهتدين. يقول جل ثناؤه والله أعلم من سبق له في علمه أنه يهتدي للرشاد ذلك الذي يهديه الله فيسدده ويوفقه. انتهى كلام الطبري رحمه الله. C'est quoi la réponse à cette deuxième question? Nous trouvons que le noble Coran a cité qu'il s'est passé différents types d'amour envers les mécréants sans qu'il ne juge ceux qui ont eu cet amour qu'ils font partie des mécréants et sans qu'il ne juge qu'ils ont mécru en raison de cet amour. Et donc, par exemple, nous trouvons un verset dans le noble Coran qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait que quelqu'un parmi les mécréants se convertisse à l'islam. C'est quel verset? C'est le verset sur Al-Qasas, verset 56. Et qui se me dire c'est qui est... Qu'est-ce que les ulama du tafsir ils ont dit par rapport à la personne au sujet duquel s'était révélé le verset? Hein? Il y a des gens qui ont dit une réponse, je dis rien jusqu'à ce que vous ayez la réponse sur Bezmou lui-même, Inch'Allah. C'est peut-être juste, hein? Mais je dis pas que c'est faux. Hein? Donc, la traduction du verset, tu, Mohammed, ne dirige pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut, il connaît mieux cependant les bien guidés. Surat al-Qasas, verset 56. Tabari, parmi les très grands savants de l'exégèse du Coran, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit dans son exégèse de ce verset, le Très-Haut dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu, ô Mohammed, ne dirige pas celui que tu aimes, sa guidance. Mais c'est Allah qui guide qui il veut, guider, parmi ses créatures, en lui facilitant la foi en lui et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il était dit, Tabari, dit rahimallah, et s'il était dit que le sens de cela est, tu ne diriges pas celui que tu aimes en raison de son lien de parenté envers toi, mais c'est Allah qui guide qui il veut, et bien ce serait un avis. Il connaît mieux cependant les bien guidés. Allah dit, et Allah est plus savant au sujet desquels il a su précédemment dans sa science qu'il sera, au sujet duquel il a su précédemment dans sa science qu'il sera guide, dirigé vers la guidance. Et c'est celui qu'Allah guide et qu'il dirige et pour lequel il facilite cela. Fin de citation de l'exégèse de Tabari, Jami' al-Bayan, volume 19, page 598 aux éditions Al-Risala. Ça, c'est parmi les livres de tafsir qu'il convient d'avoir à la maison pour un talib ilm, avec notamment Ibn Kathir et d'autres tafsir qui sont connus comme Mukhtasar Ibn Kathir, Ahmed Shakir et d'autres comme Mohamed Shinqiti, rahimahullah, son tafsir qui s'appelle Abu al-Bayan, fi tafsir Qur'an bil Qur'an, ou bien plus facile, hein, tafsir Ibn Sa'di, rahimahullah, ça c'est un des tafsirs que j'aimerais bien faire avec vous un jour, inshallah, hein, et d'autres tafsir. Il y a un excellent dars en deux cours qui a été fait par Cheikh Azin Ramadani, Azidin Ramadani al-Jazairi Salafi Hafidahullah Ta'ala, parmi les chiouch Salafi algériens, Azin Ramadani, qui a fait en deux audios tout un cours sur le tafsir et comment étudier le tafsir. Et tous les livres que tu peux imaginer, il ne les a peut-être pas tous cités, mais il en a cité pas mal. Dans le tafsir et comment étudier dans le tafsir et par quoi commencer et qu'est-ce qu'il faut éviter, etc., etc. D'accord, je l'avais tweeté à une époque sur Twitter, maintenant pour retrouver ce tweet, Allahu alam, mais je pense que ça va pas être très compliqué de retrouver ce dars dans le tafsir de Cheikh Azdin Ramadani. Et d'accord, il a d'ailleurs apporté quelque chose d'important au début. Évidemment, il a expliqué c'est quoi le tafsir, d'où vient le mot tafsir, etc. Mais il a rapporté le hirs, l'ardeur des salafs dans la quête du tafsir. Et dans Talab al-Ilm, dans le tafsir. À certains points, il a rapporté que certains d'entre eux ont voyagé d'un pays à un pays lointain. Il n'y avait pas d'avion à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Hein? Si ce n'est à pied ou à dos de monture, etc. Pour prendre le tafsir d'un verset. Un verset. D'accord? Donc, ici, on a fini la parole de Tabari. On rapporte une autre parole d'un grand savant de l'islam qui est Al-Barawi, rahimahullah. قال البغوي رحمه الله قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت أي أحببت هدايته وقيل أحببته لقرابته ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين قال مجاهد ومقاتل لمن قدر له الهدى نزلت في أبي طالب. Vous avez déjà votre réponse ici, d'accord. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حملوا على ذلك الجزع لأقرت بها عينك فأنزل الله تعالى هذه الآية. انتهى كلام البغوي رحمه الله تعالى. البغوي كما الفاس ميزيريكورد il a dit la parole du Très-Haut dans la traduction du sens est tu ne diriges pas celui que tu aimes, c'est-à-dire celui que tu aimes qu'il soit guidé. Et il a été dit à notre avis c'est quoi, c'est quoi la première, c'est quoi le premier avis, pour si vous avez suivi ou pas. C'est quoi? Tu ne diriges pas celui que tu aimes. C'est-à-dire que celui que tu aimes, ça, sa guidance, sa guidée, d'accord? Qu'il soit guidé. Et le deuxième, il a été dit, celui que tu aimes en raison du lien de parenté. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Mujahid a dit, ainsi que Muqatil, celui pour lequel la guidance a été prédestinée. Et le verset fut révélé au sujet d'Abu Talib, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dis la ilaha illallah, et je témoignerai pour toi avec cette parole le jour du jugement dernier. Il répondit, qui répondit? Abu Talib, d'accord. Si ce n'était que Quraysh va me dénigrer et qu'il dise c'est l'angoisse qui l'a poussé à dire cela, je t'aurais réjoui par cette parole. Et donc Allah le Très-Haut révèle à ce verset, fin de citation de l'imam Baraoui rahimahullah, l'exégèse d'Al-Baraoui, volume 6, page 215. On continue. وقال المسعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآية عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كي الشيخ دي كيب نتاما الشيخ محمد بن صالح العثيمين يمجيني الشيخ دي شغل العثيمين يعني كفاه شرفا تلميذه العثيمين يعني سالي سويفي ان ترم دو نوبلس كي اللي يجيكم عليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين العلامة الفقيه السلفي رحمه الله تعالى داكوغ في شغل الألباني رحمه الله لليون لسنة cette époque et le revivificateur de la religion à cette époque c'est comme l'a dit شغل بن باز رحمه الله considéré comme étant parmi العلماء الراسخين في العلم. شغل الألباني considéré شغل العثيمين comme faisant parmi comme étant parmi les gens qui sont enracinés dans la science. Je voulais vous raconter une histoire par rapport à Ibn Sa'di, l'Uthaymin. On va s'attarder, donc on s'attache au cours, Inch'Allah. Peut-être une... Je l'ai déjà raconté plusieurs fois, mais à la Koulia. C'est important de savoir un peu des choses qui sont passées au niveau des machaïrs, etc., et des conseils qu'ils ont donnés. Ils aiment bien les histoires. Hein? Vous la connaissez, c'est l'histoire de Cheikh Ibn Sa'di, rahimahullah, quand il a conseillé Cheikh Al-Uthaymin de se rendre à l'université. Vous la connaissez ou pas? Non? Qui la connaît? S'il y en a plus qui la connaissent, je ne la dis pas. Ah, tu la connais? C'est qu'Ibn Sa'di, rahimahullah, évidemment, à l'époque des anciens chiouris, il n'y avait pas ce qu'on appelle des universités comme dans, avec le système académique qu'on a aujourd'hui, d'accord? C'est talab ilm à l'ancienne, d'accord? Puis les universités qui ont été créées en Arabie Saoudite, etc., qui ont été établies en Arabie Saoudite. Et Ibn Sa'di, rahimahullah, il avait conseillé à ses élèves de s'y rendre et d'obtenir des diplômes. Regardez la vision des ulama, regardez la clairvoyance. Il avait expliqué à ses élèves, notamment sur l'Uthaymin, qu'il va arriver un temps où tu ne sauras rien faire sans diplôme. Et Cheikh l'Uthaymin était très triste. Mais il a quitté son cher, il a quitté Ibn Sa'di rahimahullah pour aller à l'université. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Hein? Et d'ailleurs, il a rapporté que quand il est rentré à l'université, il a eu un cours et il y a quelqu'un qui est rentré dans la salle de cours. Et il a dit, Cheikh l'Uthaymin, il raconte qu'il dit qu'il est rentré, il avait l'air d'un bédouin. Il a dit, j'ai laissé Cheikh Ibn Sa'di rahmatullah alayh pour venir ici. C'est cette personne maintenant qui rentre hein, comme, et il a dit, mais quand il a ouvert sa bouche, il a dit, quand je vous dire c'est qui, vous allez comprendre, c'est Mohamed Amin Shinqiti rahmatullah. Hein? D'accord. Il a rapporté de lui que Cheikh Mohamed Amin Shinqiti, c'est quelqu'un de très simple. C'est quelqu'un qui à la base il vient de Mauritanie. Il a rapporté de lui qu'il connaissait pas les billets en fait. Hein? Etc. D'accord. Parce que la Mauritanie, alhamdoulilah, dans certaines parties, sont hein, assez loin de ces choses, la dunya, etc. D'accord. Donc, il a dit, Walakin, quand il a ouvert sa bouche, il a dit, c'est un bahr de science que j'ai trouvé, et avec des perles qui sortent de ses bouches, à qui les prend? D'accord. Imaginez Mohamed Amin Shinqiti, qui est votre professeur. Hein, Al-Allam, Al-Usul, Al-Mufassir. Qui était le shir, Mohamed Amin Shinqiti, il faut savoir qu'il était le shir de beaucoup de mashaykhs qu'on connaît aujourd'hui. Il était le shir de Cheikh Ma'asil Abbad, il était le shir de Cheikh Rabi', il était le shir de Cheikh Al-Uthaymin et beaucoup d'autres. Alors, ça c'était pour la petite histoire, ça va, c'est bon. D'ailleurs, avec un de mes collègues qui est maintenant le directeur de Salafi School, en fait, comme il y a différentes personnes qui nous ont dit, différents gens de science qui nous ont raconté cette histoire, on s'amuse à chaque fois en fait, à rajouter les parties qui manquent à cette histoire, en fait. Hein? Inch'Allah, si vous voulez, un jour, je vous la rapporterai en entier avec toutes les riwayats, si vous voulez, des différents machaires. Ala kulli hal. On n'a toujours pas cité la parole d'Ibn Sa'di, rahimahullah, mais c'est pour montrer un peu le niveau de ces gens-là. Abdurrahman, Ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah, hein, parmi les imams de cette communauté. Regarde. Je lisais rien que ses livres, vous allez comprendre c'est qui. Regardez rien que son tafsir, Ibn Sa'di, rahimahullah. qui est un tafsir facilité que chaque musulman qui connaît la langue arabe un minimum peut lire. Pourquoi? Parce qu'il te donne le verset et le sens du verset directement. C'est un tafsir bil ma'na. Et c'est le tafsir qui est le plus facile à étudier. D'accord? يخبر تعالى أنك يا محمد وغيرك من باب أولى لا تقدر على هداية أحد ولو كان من أحد الناس إليك فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية للتوفيق وخلق الإيمان في القلب وإنما ذلك بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه فمن لا يصلح لها فيبقيه ممن لا يصلح لها فيبقيه على ضلاله انتهى كلام السعدي رحمه الله تعالى. Le grand savant et exégète du Coran, Abdurrahman ibn Nasser al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans son exégèse de ce verset, le trio, Allah subhanahu wa ta'ala, informe que tu, ô Muhammad, et autre que toi en premier, n'est pas capable de guider qui que ce soit, et ce même s'il fait partie des gens les plus aimés par toi, car ce n'est pas quelque chose dont les gens sont capables. Et c'est la guidance de tawfiq, de facilitation. Vous savez que Cheikh Al-Fawzan, notamment dans Sharh Al-Ha'iyya, et Cheikh Zayd Al-Ha'iyya aussi, et d'autres mashayikhs dans beaucoup de livres, et dans beaucoup d'explications, dans beaucoup de cours, ils font la différenciation entre deux genres de guidés. D'accord? C'est la guidée Hidayatu al-Irshad et Hidayat al-Tawfiq. D'accord? C'est-à-dire que, Innaka la tahdi ila sirat mustaqim, tu guides ou tu orientes certes vers un chemin droit, mais c'est quoi cette guidée-là? C'est Hidayat al-Irshad. C'est-à-dire que tu orientes les gens. Et ça, c'est la chose qu'ont fait les prophètes, alayhimus salatu wassalam, et les messagers, alayhimus salatu wassalam, et ceux qui prennent exemple sur eux parmi les ulama et les gens de science et les du'ats, etc. D'accord? Et chacun va à son niveau. C'est quoi? C'est le fait d'orienter quelqu'un vers la vérité. D'accord? De lui faire da'wah et de l'orienter vers la vérité, etc. Mais un autre type de guidé, qui est quoi? Hidayat al-tawfiq. Et ça, c'est ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? D'ailleurs, bientôt dans son autre site, Inch'Allah va apparaître deux ou trois PDF des débuts de l'explication de l'Ha'iyya de Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali. Et il y a déjà sur notre site, les deux ou trois PDF seront que sur la première ligne de l'Ha'iyya de Cheikh Zayd. Explication de Cheikh Zayd. Mais on a déjà la première ligne expliquée par Cheikh Al-Fawzan sur notre site. Revenez à cette explication-là. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi on explique le Hidayah dans les premières lignes de l'Ha'iyya? Qui c'est? Il y a Tamassak bi hablillahi wa tabi'i al-huda. Et puis? Ba'diyan la'allaka tuflihu. Hazit? Aywa? Wa sunnan illati atat? عن رسول الله تنجو وتربحو زيد هنا كادو لا ها ايوا زيد vas-y tu connais la suite t'as oublié hein? Faut revoir hein ان شاء الله الحفظ يا اخوه que entre salafi on prend l'habitude de nous rencontrer les uns les autres et qu'on a pris l'habitude de mémoriser les livres et les poèmes des ulama. Il y a des poèmes qui sont très courts. Comme par exemple l'ami de Cheikh Al-Islam, il y a quand même des enfants, ils ont mémorisé Salafi School en quelques temps. Yasa'il ya'amad habi wa aqidati ruziq al-huda min hidayati yas'alu isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi dayan thani anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatu al-qurba biha atawassalu likullihim qadrun wa fadlun sati'un lakinna ma siddiqu minhum afdalu. Regardez comment Cheikh Al-Islam en l'amiya, il rapporte quoi? La aqda al-sunna al-jama'a, des points importants en quelques lignes. Et n'importe lequel d'entre nous peut mémoriser. D'accord, ça fait une page, l'ami. Ça dépend de l'écriture, vous allez me dire, etc. D'accord, mais ça fait une page. Al-Ha'iyya, il n'est pas très très long. Combien il y a de lignes? Il y a déjà des discussions à ulama pour savoir sur certaines lignes, est-ce que ça attribue ou pas à Ibn Abi Daoud. D'accord, il y a beaucoup de poèmes comme ça qui peuvent être mémorisés. Très facilement, des poèmes de l'Hafid al-Hakami. Et d'ailleurs, les ulama font ça notamment pour des livres comme l'Ajrumi dans la langue arabe, qu'ils le mettent en poème. Pourquoi? Pour faciliter la mémorisation, comme celui de l'Imriti. Le poème de l'Ajrumi de l'Imriti. Ils sont tous sur notre site d'ailleurs, entre parenthèses, si je me souviens bien. En tout cas, dans l'ancien site qui a été piraté, il y était. Normalement, on les a remis sur le nouveau site. Tous ces mots-là à mémoriser par cœur. Mais ce serait bien qu'on se rencontre entre nous à un autre temps et qu'on mémorise au moins un poème par exemple par cœur entre nous. Même en commençant par exemple quelque chose comme le Lamia, qu'est-ce que vous en dites, hein? Et peut-être que ça peut nous motiver si on le connaît tous, qu'un jour ben, on fasse l'explication d'un cheikh parmi les méchères, quand il y en a plusieurs de nos ulama qui ont expliqué le Lamia, hein, et qu'on puisse le faire. Ça paraît difficile peut-être pour les frères qu'on n'a pas l'habitude, mais une fois qu'on s'y met, après c'est facile. D'accord. J'étais à l'Omra dans ma chambre d'hôtel avec un frère américain qui a fait l'université de Médine. Et c'est un frère parmi les douates aux États-Unis. Et il est arrivé un peu tard, donc il nous a rejoint dans la chambre d'hôtel. Il était un peu fatigué avec le décalage horaire par rapport aux États-Unis, etc. Puis quand je reviens dans la chambre, je le trouve, il est en train de réviser. Il est en train de dire des. En fait, vous savez, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de revoir Nounia. Vous savez, c'est quoi Nounia? C'est 5800 vers ou 5300 vers. Hein, il était un frère converti à l'islam. Il est en train de la revoir, il est en train de réciter les vers, etc. Je dis ça pour motiver les frères. Hein? Bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de poèmes. Beaucoup. C'est le Hafl Hakami, ça. Hein? Bon. On continue le cours. On parlait de la guidance, de facilitation à Tawfiq et de création de la foi dans le cœur. Mais cela n'est que dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il guide qui il veut. Il est plus savant de qui est bon pour la guider. Écoutez ce point parce qu'il est très, très important. Et il est plus savant de qui est bon pour la guider et donc le guide. Et celui qui n'est pas bon pour la guider et donc le fait rester dans son égarement. Fin de citation. Je répète cette parole d'Ibn Sa'di parce qu'on l'a coupé avec ce qu'on a dit, parce qu'elle est vraiment très importante. Allah le Très-Haut informe que tu, ô Mohammed, et autre que toi en premier, n'est pas capable de guider qui que ce soit. Et ce même s'il fait partie des gens les plus aimés par toi. Car cela n'est pas quelque chose dont les gens sont capables. Et c'est la guidance de facilitation à Tawfiq et de création de la foi dans le cœur. Mais cela n'est que dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il guide qui il veut et il est plus savant de qui est bon pour la guider. Et donc il le guide et celui qui n'est pas bon pour la guider et donc le fait rester dans son égarement. Fin de citation de l'imam Sa'di rahimahullah, volume 1, page 620. Aux éditions d'Ar-Risala. Vous savez qu'il a dit volume 1, peut-être étonné, parce que vous avez peut-être l'édition en un volume à la maison. Vous savez qu'il a été édité en un volume et en plusieurs volumes. En un volume, c'est une édition qui a été, si vous voulez, un peu, même beaucoup raccourcie, en écriture très très petite, d'accord, avec une page du Mus'haf sur la page du Mus'haf qui est expliquée en haut, et avec toutes les explications à côté écrites en très petit. Mais il existe aussi en plusieurs volumes. Il faudrait qu'un jour quelqu'un s'attache à les traduire en français. Il faut savoir qu'il a été traduit complètement en plusieurs langues, notamment en turc. Hein, on a toujours un peu de retard, nous les francophones, subhanallah. Les deux sont traduits. Deux. C'est ce que je dis, c'est un peu de retard. Donc, Cheikh, il dit, Havidallah, on continue, on a presque fini le cours, un peu de patience. Fahadil ayat tout annonce sur Alain Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. كما يبين ذلك سبب نزولها كان يحب أن يسلم عمه أبو طالب فهناك حب لعمه أبي طالب من أجل أن يسلم فهذا حب من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا المشرك بغرض أن يسلم فلو كان مطلق حب لكافر حب لكافر يعني عدم براءة من الكفر وأهله لكان معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحقق الإسلام فدل ذلك على أن مطلق حب لكافر ليس من الموالاة للكفار التي تخرج عن الملة. Ça, c'est un point très très important et ça résume ce qu'on essaie de faire comprendre dans cette deuxième question. Donc, important de rester concentré. Ce verset est donc bien sur le fait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est indiqué par la raison pour laquelle ce verset a été révélé, aimait que son oncle Abu Talib se convertisse à l'islam. Et donc, il y a un amour envers son oncle Abu Talib pour qu'il se convertisse à l'islam. Et donc, c'est un amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envers cet associateur avec le but qu'il se convertisse à l'islam. Et si c'était que toute forme d'amour pour un mécréant a pour sens l'absence de désaveu envers la mécréance et ses gens, cela voudrait dire que le messager sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas concrétisé l'islam. Okay. Hein? Ceci indique donc que tout amour pour un mécréant ne fait pas nécessairement partie d'al-mu'alat envers le mécréant qui fait sortir de la religion. Et nous trouvons que le noble Coran, ou Wajid al-Quran al-Karim, dakara anahu yubahu lil muslimi an yankiha al-afifata min ahli kitab. Qala tabaraka wa ta'ala, al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu ta'amu alladhina utul kitab hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum, wal muhsanatu min al-mu'minati wal muhsanatu min alladhina utul kitab min qablikum, idha ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wa la muttakhidi akhdan, wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa fil akhirati min al-khasirin. ومعلوم أن الرجل مع زوجه يقع له بحسب العشرة وبحسب الزواج وبحسب النكاح وبحسب ما جعله الله بين الرجل والمرأة يقع له من الحب ومن الألفة الجبلية والطبيعية ما يجده الرجل مع زوجه ولو كان مطلق الحب لكافر هو من الموالاة المخرجة من الملة لكان فيما أباحه الله سبحانه وتعالى من جواز نكاح الكتابيات تسويغ لأن يقع المسلم فيما يخرجه من الإسلام فهذا دليل أن مطلق حب لكافر ليس هو الموالاة المخرجة من الملة. Et nous trouvons que le noble Coran dit qu'il est licite pour le musulman de marier la femme chaste parmi les gens du livre, c'est-à-dire, hein, il a dit l'afifa min al-kitab. Alors le Très-Haut dit, c'est dans la traduction du sens est, vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures, vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise, vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses entre les gens qui ont reçu le livre avant vous, et si vous leur donnez leur dot avec contrat de mariage, non en débauché ni en preneur d'amante. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Sourate Al-Ma'idah, verset 5. Et il est connu que l'homme avec son épouse, en fonction de sa compagnie, et en fonction du mariage, et en fonction de ce qu'Allah a fait contre l'homme et la femme, il se passe que l'homme a un amour et une affinité innée et naturelle que trouve l'homme avec son épouse. Et si toute forme d'amour pour un mécréant faisait partie de l'amour, al-mu'alat, qui fait sortir de la religion, il y aurait alors dans le fait qu'il y a dans ce qu'Allah le Très-Haut a permis en termes de permission de se marier, c'est une phrase qui est un peu longue, hein, en termes de permission de se marier avec les femmes, parmi les gens du livre, une permission pour le musulman de tomber dans ce qu'il fait sortir de l'islam. Ceci est donc une preuve que toute forme d'amour pour un mécréant ne fait pas nécessairement partie de l'amour qui fait sortir de la religion. ووجدنا في السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الأمور التي هي في الظاهر نوع من الموالاة. مثلا تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار والمشركين الذين كانوا في المدينة من اليهود والنصارى وغيرهم معاملة حسنة. دعاه يهودي إلى إهالة سنخة إن شاء الله فأجاب عن أنس أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه والحديث أخرج أحمد في المسند وصححه محقق المسند على شرط مسلم. من هنا سيتي كوا دي بروف دي قرآن من هنا كيسكي فاسيتي دي بوان ولا ولا سنة il dit et nous avons trouvé dans la sunna prophétique du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم beaucoup de choses qui sont en apparence un type de mu'alat. Exemple, tu trouves que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec les mécréants et les associateurs qui étaient à Médine, les juifs et les chrétiens et autres, avec un bon comportement. Un juif l'avait invité à ce qu'on appelle ihalatun sanikhatun. Alors c'est quoi ce ihalatun, hein, sanikhatun? Ihalatun, pardon, ihalatun sanikhatun. Mais cher Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, quand il fasse miséricorde, il explique que c'est un morceau de graisse qui a changé et malodorant. Hein? Il a dit ça dans le 15e volume de Sharh al-Mumti'. Sharh al-Mumti', j'en ai parlé dans le dars précédent. Qui sait me dire c'est quoi maintenant? Pour les frères qui étaient là, tous, ils devraient connaître ce livre maintenant. Sharh al-Mumti', c'est le Sharh de Zad al-Mustaqni', d'accord? De Sharh al-Uthaymin, qui a été publié en 15 volumes, qui est complet maintenant. Et ça, c'est justement dans le 15e volume. Au cas où vous n'avez pas le livre à la maison, tout le monde ne l'a pas nécessairement, mais je vous ai mis un lien, vous pouvez trouver cette parole de Sharh al-Uthaymin pour expliquer c'est quoi Ihalatun Sanikhatun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à l'invitation de ce juif. Et le hadith, il est rapporté par Ahmad dans son Musnad, numéro 13207, aux éditions Ar-Risala, volume 20, page 424. Et il a été jugé authentique selon les conditions de musulmans par les correcteurs du Musnad de l'imam Ahmad. On continue, et on a presque fini. Inch'Allah. ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير والحديث أخرجه البخاري d'après il mourut sallallahu alayhi wa sallam alors que son armure était en gage chez un juif. D'après Aïcha Kalalagré qui dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mourut alors que son armure, hein, ou sa cotte de maille, une armure, était en gage chez un juif pour 30 sa' d'orge. C'est-à-dire c'est une mesure, le sa'. On avait déjà défini dans un de nos cours dans le fiqh c'est quoi sa', on ne va pas revenir là-dessus. Hein, un juif, donc il avait chez un juif en gage son armure pour 30 sa' d'orge. Cheikh Al-Uthaymeen explique que, en fait, pour acheter de l'orge, le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait donné en gage son armure. D'accord ? D'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymeen, il utilise ça comme preuve que c'est interdit d'être injuste envers un mécréant par rapport à l'argent. D'accord ? Il y a une question qui lui avait été posée par rapport à quelqu'un, un musulman, qui avait été injuste envers le droit d'un kafir. Et le Cheikh Al-Uthaymeen, il avait dit que c'est interdit de faire ça. Et il a donné ça comme preuve. Il a dit, wa bila shak, la dette elle a été payée après sa mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, là, on est juste, même avec al-kafir. Et ça, on va le voir plus tard, inshallah. Regardez notre dîn comment il est. L'adl fait kulli shay. L'adl fait kulli shay. Et Cheikh Al-Arabiya, dans son livre Al-Mahaj al-Bayda, si je me souviens bien, il dit que l'adl, huwa al-hukm bil-haq. Tu juges avec la vérité. Et tel il est le salafi. Envers lui-même, envers les gens, envers les musulmans, envers les non-musulmans, l'haq. L'adl. Mais c'est pas comme ces tekfiris qui vont voler dans les supermarchés, ils volent des cartes de crédit, hein, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils font ceci, ils font cela, hein, avec cette notion extensible jusqu'au on ne sait pas où de l'ranima. Hein, c'est-à-dire tout est ranima pour eux, subhanallah, tout est le butin pour eux, subhanallah. Hein. Et tu, c'est tel point il avait été rapporté. Enfin, mon frère, je ne vais pas rapporter des histoires comme ça. C'est ça. La Koulihal et une femme. وجاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي المشركة زارتني زارتها من مكة إلى المدينة أكرمها قال نعم أكرميها وبري بها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Donc Cheikh ici rapporte un autre hadith, il dit: et une femme vint chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dit: ô messager d'Allah, ma mère qui est une associatrice m'a visitée. Elle vint à elle en visite de la Mecque à Médine. Est-ce que je la traite bien? Il sallallahu alayhi wa sallam répondit: oui, traite-la bien et sois bienfaisante envers elle. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Ça, c'est un fiqh, ya ikhwa et akhawat, que je vous conseille de bien faire attention. Et c'est une erreur que beaucoup, ou certains convertis ont, dans laquelle ils ont pu tomber à certains moments dans leur pratique de la religion. Hein? Surtout quand il n'y a pas beaucoup de fiqh, il n'y a pas beaucoup de compréhension de la religion, il n'y a pas beaucoup de ilm. On entend qu'il faut détester les koufars, on entend qu'il faut détester les sociétaires, etc. Qu'est-ce qui se passe envers les parents des fois? Eh bien, qu'il y a un extrémisme, il y a un rouleau, d'accord? Et qui se fait que ça crée des problèmes et que ça crée une distanciation et ça n'aide pas du tout la da'wah. D'accord? Il y en a des témoignages de plusieurs frères, alhamdoulilah, qui sont devenus salafis entre temps et qui, alhamdoulilah, quand ils sont devenus salafis, ils ont compris ad-dawabit par rapport à ça et qu'ils ont compris quel est le juste milieu et comment se comporter envers les parents et envers les gens en général, etc. Et alhamdoulilah, les choses se sont améliorées à ce moment-là, alhamdoulilah. D'accord? Mais, hein, et je sais que sur peut-être certains d'entre vous connaissent des cas, etc., que ça a été un ha'iq dans le da'wah et que ça posait beaucoup de problèmes pour certains, notamment au début de la conversion à l'islam. Donc c'est important de comprendre comment se comporter de manière correcte, conformément à la sunna. J'ai fini la traduction du verset. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Maintenant un autre hadith. An Asma ibn Abi Bakr radiallahu anhuma qalat atatni ummi raghibatan. On va pas voir les différences riwayat, parce que dans certaines riwayat il est marqué rahibatan ou rahibatan. Fi ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa sa'atu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam a asiluha? Qala na'am. قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين Regardez la note de bas de page, un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Wallaf de Muslimin an Asma'a binti Abi Bakr قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذا عاهدهم فاستفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك. D'après Asma bint Abi Bakr, la fille d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu arda'ah, qu'elle les agrée tous les deux, elle a dit, ma mère vint à moi désirant. Qu'est-ce que ça veut dire raghiba? Les shurrahs du hadith, comme Cheikh al-Harari l'Ethiopie, dans son explication de Sahih Muslim, ils disent que désirant que je lui donne de l'argent. D'accord? À l'époque du pacte, quel pacte? C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un pacte entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le peuple de Quraysh, qui avait pour sujet l'arrêt de la guerre. Mais Ibn Hajar, rahimahullah, il a dit que le sens de ce qu'elle a voulu dire, c'est que c'était à la période durant Al-Hudaybiya et Al-Fath. On a déjà parlé de Al-Hudaybiya, c'est sur Al-Hudaybiya, le traité d'Al-Hudaybiya et Al-Fath. Fath quoi? Fath Mecca, la conquête de la Mecque. Al-Hudaybiya, il dit, Ibn Hajar, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? C'est que ça s'est passé durant cette période. Et c'est une période de quoi il a dit? De pacte entre le prophète alayhi salatu wassalam et Quraysh. Je répète, ma mère vint à moi désirant, c'est-à-dire qu'on a expliqué que je lui donne de l'argent. À l'époque du pacte, on a dit que c'était, Ibn Hajar a dit que c'était entre le Hudaybiyah et le Fath, du prophète alayhi salam, et je questionnais le prophète alayhi salam, est-ce que je lui donne de l'argent? Il répondit alayhi salam, oui. Ibn Uyayna, il a dit, Allah révéla alors à son sujet le verset dont la traduction du sens est, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. D'accord? Ce hadith, il est rapporté par le Bukhari et le Muslim. Et la formulation de Muslim est, là je vous promets, il ne reste plus que quelques minutes, Inch'Allah, hein? D'après Aswa bint Abi Bakr, qu'elle a dit, ma mère vint à moi alors qu'elle était associatrice au temps du pacte avec Quraysh, qu'il, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait conclu avec eux. Et donc, je questionnais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dire le mot qu'elle utilisait en arabe dans cette riwaya, c'est istaftaytu. Fastaftaytu. Je questionnais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit, ma mère m'est venue désirant, on l'a expliqué qu'ils ont dit que je lui donne de l'argent, est-ce que je donne à ma mère? Il sallallahu alayhi wa sallam répondit, oui, donne à ta mère. Rapporté par, donc c'est rapporté par le Bukhari wa Muslim. D'après Anas, page suivante, An Anas, radiallahu anhu, qala, et c'est une histoire que vous connaissez peut-être, كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. الحديث أخرجه البخاري. D'après Anas, qu'il a dit, il y avait un jeune juif qui servait le prophète alayhi salatu wassalam, et qui tomba malade. Et donc le prophète sallallahu alayhi wassalam vint le visiter et s'assit à sa tête et lui dit, regardez encore une fois comment le prophète alayhi salatu wassalam se comporte avec un non-musulman, avec un juif. Il lui dit, convertis-toi à l'islam. Il, le jeune, regarda alors son père qui était auprès de lui et qui lui dit, son père lui dit, obéis à Abu al-Qasim. C'est-à-dire qui Abu al-Qasim? Le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc le jeune se convertit à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit alors en disant, toutes les louanges reviennent à Allah qui l'a sauvé de l'enfer. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune, hein? C'est qu'il est, il est mort après cela. D'accord? Donc quand vous regardez le hadith, il est rapporté dans le Bukhari, dans le Kitab al-Janaiz. Bab, idha aslama al-sabi, famata hal yusalla alayhi. Chapitre de lorsque l'enfant ou le sabi se convertit à l'islam et qu'il meurt, est-ce qu'on prie la prière de Janaza sur lui, dans le Bukhari. Donc le prophète il est sorti alors en disant, toutes les louanges reviennent à Allah qui l'a sauvé de l'enfer. Donc Cheikh il dit, on arrive à la conclusion, « هذه النصوص كلها تبين أنه ليس كل موالاة لكافرين » كفرا أكبر مخرجا من الملة بل حتى نصرة الكافر ليست في كل وقت هي مخرجا من الملة ومخالفة لأصل الإسلام في عداوة الكافر وبغضه والبراءة منه J'ai voulu absolument terminer jusqu'à la fin de cette question pour que vous ayez le tout, pour que ça ne coûte pas notre compréhension jusqu'au prochain cours, Inch'Allah. C'est pour ça que le cours d'aujourd'hui il est un peu plus long que ce qu'on fait d'habitude. Chérie, lis tous ces textes, mettent en évidence, et ça c'est là une conclusion importante, que tout amour envers un mécréant n'est pas quoi ? Nécessairement une mécréance majeure qui fait sortir de la religion. Mais aussi, le fait de secourir un mécréant n'est pas toujours une mécréance qui fait sortir de la religion, ni une transgression du fondement de l'islam. Au sujet de l'inimitié envers le mécréant, et la haine envers lui, et le fait de se désavouer de lui. Il va donner des exemples d'ailleurs chez le cheikh, Inch'Allah. انظر الى ما تقدم من اباحه الزواج بالعفيفات من نسائها الكتاب هل يجوز للزوج المسلم ان يسلم زوجه الكتابيه لمن يعتدي عليها وانظر الى قوله تعالى وصنا الانسان بوالديه حسنا وان جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون سوره العنكبوت الفيرسي كي تخافوش aussi dans sourate Luqman وقوله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون ديغس الفيرسي لا de sourate Luqman il fait partie des recommandations de wasaya Luqman à son fils. Et on a expliqué, enfin, on a traduit l'explication de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, 50 bénéfices tirés de recommandations de Luqman le Sage à son fils, est disponible en PDF, en audio sur notre site, pour ceux qui veulent avoir plus de détails. Donc, qu'est-ce que dit le Cheikh ici? Il dit, regarde ce qui a précédé en termes de permission de marier les chastes parmi les femmes des gens du livre. Est-il permis au mari musulman de laisser son épouse parmi les gens du livre, livrée à celui qui s'en prend à elle? Et regarde la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens est, et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères, et si ceux-ci te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi et votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Surat Al-Ankabut, verset 8. Et ça parle dans la traduction du sens est, dans Surat Luqman, verset 15. Et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance. Regardez, si même s'ils te forcent, à associer ce dont tu n'as aucune connaissance. C'est-à-dire, à associer à Allah, ce dont tu n'as aucune connaissance. Même s'il te force. Regardez le mot, c'est le verbe en arabe. Alors, ne leur obéis pas. Bien sûr, tu ne leur obéis pas là-dedans. Pourquoi? On a déjà dit dans plusieurs cours. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Mais regardez la suite du verset. Mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Donc, Cheikh, il dit, فَالْمُسْلِمُ مَأْمُورٌ بِالْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ بِوَالِدَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُشْرِكَيْنِ فَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَيْسَ أَيْ مُوَالَاةٍ بِكَافِرٍ هِيَ كُفْرًا أَكْبَرًا مُخْرِجًا مِنَ الْمِلَّةِ وَإِلَّا كَانَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُنَا بِمَا يُخْرِجُنَا مِنَ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ ثم هل يجوز للمسلم إذا رأى من اعتدي على أبويه المشركين أن يسلمهما له لا شك أن الإسلام يأمر ابنهما المسلم بنصرتهما ومنع الاعتداء عليهما شيخ الدي Il y a donc en cela, donc il a été commandé aux musulmans de se comporter de manière convenable et d'être bienfaisant envers ses parents, et ce même s'ils sont tous deux des associateurs. Il y a donc en cela une preuve que tout amour envers un mécréant n'est pas nécessairement une mécréance majeure qui fait sortir de la religion. Ou sinon, cela voudrait dire qu'Allah nous ordonne ce qui nous fait sortir de la religion. Puis est-il permis aux musulmans, s'ils voient celui qui s'en prend à ses parents associateurs, de les laisser livrer à lui? Il n'y a aucun doute que l'islam ordonne à leurs fils de les secourir et d'empêcher qu'on s'en prenne à eux. Et médite la parole d'Allah dont la traduction du sens est « Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. » Vous voyez la réponse, comment le shirk, comment il amène la chose. Et si quelqu'un vous dit cette ambiguïté, amenez-lui la chose de la même manière, tout simplement. « Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. » Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Surat al-Ma'ida, verset 8. Et donc, si tu vois un musulman s'en prendre, et déchirer, il dit. On a déjà lu en français. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala an la ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Falaw ra'aita musliman ya'tadi dhulman 'ala kafirin mu'ahadin hal yajuzu an tatrukahu? أليس في الآية ما يدعوك إلى طلب العدل للكافر ونصر أخاك المسلم بأن تكف يده عن ظلم الكافر المعاهد؟ هذه الأدلة تبين أنها أنه ليست كل موالاة حب ونصرة لكافر هي كفرا أكبر مخرجا من الملة. Donc le verset de Sourate Al-Ma'ida, verset 8 ici qu'on a cité, et Cheikh il dit, et donc si tu vois un musulman s'en prendre de manière injuste à un mécréant, mu'ahad. On a déjà expliqué c'était quoi le dhimmi la fois passée. Il y a le dhimmi, le mu'ahad et le harbi. Le harbi c'est celui avec lequel on est en guerre, le mu'ahad on va le définir maintenant, et le dhimmi on a dit c'est celui qui paye la jizya, on l'avait renvoyé dans une source, 8e volume de Sarah Al-Munti' de Cheikh Al-Uthaymeen, si je me souviens bien de mémoire. C'est quoi le mu'ahad? C'est qui le mu'ahad? Cheikh Saleh Al-Fawzan, il définit de la manière suivante, le mu'ahad, c'est le mécréant avec lequel nous avons un pacte, un ahd, qu'il soit dans nos pays ou dans le sien, qu'il y ait donc un pacte entre nous et eux de mettre fin à la guerre, et qu'il y ait donc il y ait entre nous et eux une trêve, en arabe ce qu'on appelle hudna, l'hudna, en arabe trêve, hudna. Et je vous ai mis un lien, vous pouvez trouver la parole du Cheikh Al-Fawzan qui est très courte d'ailleurs, sur son site, hafidhahullahu ta'ala. Cheikh, il dit, donc si tu vois un musulman s'en prendre de manière injuste à un mécréant mu'ahad, t'est-il permis de le laisser? N'y a-t-il pas dans le verset ce qui t'appelle à chercher l'équité pour le mécréant et de secourir ton frère musulman? Comment tu vas secourir ton frère musulman? Quelqu'un va dire, mais il est en train de faire du mal au kafir mu'ahad, comment je vais le secourir? Eh bien, Cheikh, il dit de secourir ton frère musulman en l'empêchant d'opprimer le mécréant mu'ahad. Ce verset met en évidence que toute mu'alat, amour et secours pour un mécréant n'est pas nécessairement une mécréance majeure qui les fait sortir de la religion. Et avec cela, on a fini le cours pour aujourd'hui. Wa jazakum Allahu khaira, wallahu a'lam, wa subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Petite nasiha de ma part, ya ikhwa, qui n'a rien à voir avec le cours. Mais c'est quelque chose que je voulais vous dire depuis un certain temps et que je pense qu'il est important d'en parler. Il arrive à nous tous, un jour ou l'autre, d'avoir des difficultés dans la vie. Hein, ça, au-delà. Ces difficultés-là, elles peuvent être financières. Elles peuvent être, comment, familiales. Elles peuvent être dans la santé. Elles peuvent être au niveau du dîme. Elles peuvent être de différentes sources, de différentes causes. Il est important de ne pas se renfermer sur soi-même. Il est important de ne pas se renfermer sur soi-même et de commencer à éviter la mosquée, de commencer à éviter les frères, etc. Pourquoi? Parce que le shaitan à ce moment-là, il travaille, hein? Vous connaissez le hadith, qu'il est plus proche de quoi? Du mouton qui est, hein? Non. Donc, ikhwa, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut en parler à tout le monde, d'accord? Mais vous avez certainement, on a tous certainement, inshallah, des frères de confiance qui sont des gens de confiance, qui ne vont pas répondre à ce genre de choses et qui vont donner le bon conseil avec sagesse, avec ilm, d'accord, à qui en parler. Les frères, les zikoum de khair, et les sœurs entre les sœurs aussi, hein, on est là pour s'entraider. Ça veut dire qu'il ne faut pas nécessairement toujours essayer de surmonter les épreuves et les difficultés soi-même. Surtout quand on voit qu'on commence à faiblir. Il faut pas hésiter des fois à parler aux gens de confiance, aux gens que vous trouvez de confiance et dont vous pensez qu'ils peuvent vous aider, qui sont proches de vous, et que vous savez que ce genre de détails, même des fois personnels, peuvent être dits, qui sont tout à fait de confiance, qui sont dignes de confiance, et qui sont dotés doués de raison, hein, et qui sont doués de bon sens et de bon avis, de bons conseils. Mais les frères, barakallahu fikoum, parce que dans le passé, on a déjà vu des frères qui ont gardé des choses pour eux, et les résultats ont été catastrophiques, et les conséquences ont été catastrophiques, hein, jusqu'à certains ont même quitté l'islam, d'accord. Je pense à un cas précis, et dernièrement j'ai entendu qu'il est revenu à l'islam, mais les frères, barakallahu fikoum, ça arrive à tout le monde, subhanallah. Mais moi, il m'arrive des fois à parler à des frères qui sont proches de moi, à qui je fais confiance, et je me confie, et je demande conseil pour avoir un avis extérieur, pour avoir... Subhanallah, on est des êtres humains, hier. Hein? Donc, on est là pour s'entraider, on peut avoir des difficultés, surtout moi, je m'adresse ici aux francophones. Les francophones ici, on est peut-être loin de nos familles, on est peut-être loin des terres dans lesquelles on a vécu, ou auxquelles on est habitué, loin de nos proches, loin de nos amis, loin, hein? Donc, on est dans une situation de... Hein, on va dire de peut-être des fois de précarité au niveau sentimental et autres, etc., qui sont, hein, celles que l'on peut vivre dans ce genre de pays, qui de toute façon sont des pays de couvre de toute façon. Hein. Mais en plus d'être dans le bidkoufre, on a, en plus peut-être, c'est vrai qu'on est merkez salafi, alhamdulillah, mais on est loin de nos familles, loin de nos proches, etc. On peut passer par des phases, hein, au niveau psychologique, etc. Donc l'importance des fois de se retourner vers des gens de confiance autour de nous par rapport, parmi les frères et les sœurs salafis de confiance. Donc ça c'est un point important que je voulais dire. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Et on se voit donc samedi prochain à la même heure, inshallah ta'ala.